بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 54 dans l'explication de la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et on est arrivé, on est toujours dans la foi en Allah, le chapitre au sujet de al-Iman billah wa asma'ihi wa sifatihi, c'est-à-dire les noms et les attributs d'Allah, hein. Et maintenant on va expliquer un autre point. On était en train d'expliquer au dernier cours sifatul yad, hein, l'attribut de la main, et que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains. Et on a mentionné à ce sujet-là des preuves, on a commencé à les énumérer et on avait cité le verset dans Surat al-Ma'idah, verset 64. Donc on va le relire ensemble. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute les juifs qui ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala d'être avare en disant que sa main est fermée. Donc le verset, c'est le verset 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc c'est le début du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les juifs ont dit la main d'Allah est fermée, en voulant dire que il l'accuse d'être avare. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme dans ces versets-là qu'il a deux mains, hein, et que ses deux mains sont généreuses, et qu'il dépense de ses dons, et qu'il donne de ses dons, il offre de ses dons comme il veut. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il avait mentionné aussi une preuve de la sunna. Il dit والدليل على أنهما كريمتان قوله تعالى مبسوطتان والبسط ضد القبض. ولهذا جاء الحديث مفسرا لهذا يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. وقال العلماء رحمهم الله السحاء كثيرة العطاء وهذا يدل على أنهما كريمتان فوالله لا أحد أكرم من الله يده ملأ سحاء الليل والنهار وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أخبروني هل هو قليل أم كثير لا يحصى فإنه لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص. الله أكبر. وهذا دليل على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته. Donc le cheikh il explique la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains et qu'elles sont généreuses. Et il mentionne la preuve de ça dans le verset 64 dans Surat Al-Ma'idah, lorsque Allah il décrit ses deux mains comme étant mabsoutatan. Ça vient de mabsouta, ça veut dire qui est le contraire de al-qabd. Al-qabd, c'est lorsque tu fermes ta main. Hein? Al-qabd, c'est le fait de fermer sa main. Et quand tu dis qu'elle al-bast, mabsouta, ça veut dire qu'elle est ouverte, hein, ta main. Et donc, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, il dépense de ses largesses, hein, et il fait don de ses largesses comme il veut. Et il y a un hadith également qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui explique également ce sens-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les mains d'Allah sont pleines, hein, sont remplies, et il dépense hein, de ses largesses et il donne, il fait des dons, hein, il donne et il offre de ses dons jour et nuit, sans arrêt, constamment, il donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ses créatures. Et les ulama ont expliqué le terme qui est employé dans le hadith sahha, hein, as-sahha'u. Ça veut dire kathiratul ata, c'est-à-dire le fait de donner beaucoup, hein, le fait de faire beaucoup de dons. Et il dit que ça c'est une preuve que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont généreuses. Puis il dit ensuite, par Allah, personne n'est plus généreux que Allah. Et ses mains sont grandes ouvertes et sont pleines hein, de ses largesses. Et il fait don de ses largesses et de ses dons, il donne jour et nuit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, avez-vous vu ce que Allah a dépensé depuis la création des cieux et de la terre? Subhanallah. Hein? Regarde-toi par exemple, combien tu as dépensé, ou combien tes parents ils ont dépensé sur toi depuis que tu es né, hein, jusqu'à aujourd'hui. Toi tu calcules pas parce que si tu calculais, hein, tout ce que tu as dépensé, même chaque jour tu dis, hein, tu dis, bon, 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars, 20 dollars, 100 dollars, tu accumules ça sur une période de, hein, tout ce que tu as dépensé, hein, tous les jours, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça fait hein, des milliers, des centaines de milliers de dollars. Et ça, c'est, tu dis, waouh, c'est beaucoup. Pourtant, hein, c'est passé, tu t'es même pas aperçu de ça. Et imaginez donc combien Allah subhanahu wa ta'ala a dépensé hein, depuis la création des cieux et de la terre, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Combien il va dépenser de ses richesses et de ses largesses? Tout ça, ça appartient à Allah. Hein? Tout ce qui existe appartient à Allah. Et tout ce qu'il dépense de ses biens. Il dit, avez-vous vu ce que Allah a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Hein? Dites-moi, est-ce que c'est un peu ou est-ce que c'est innombrable? Hein? Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, il dit, cela n'a rien fait diminuer de ce qui est dans sa main droite. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre, ça n'a rien diminué de ce qu'il possède dans sa main droite. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est al-ghani. C'est-à-dire, il n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même et il est extrêmement riche. Hein? Donc, le fait qu'il ait donné et qu'il ait dépensé, qu'il ait créé, tout ça, ça n'a rien épuisé, ça n'a rien dépensé, rien fait descendre ou diminuer de ce qu'il possède. Allahu Akbar. Et c'est comme le hadith, hein? Dans le hadith Qudsi qu'il mentionne, que si tous les hommes du premier jusqu'au dernier et tous les djinns du premier jusqu'au dernier étaient réunis dans un seul endroit et qu'ils demandaient à Allah, chacun d'entre eux demandait à Allah tout ce qu'il voudrait et que Allah donnait à chacun d'entre eux tout ce qu'il veut, eh bien ça n'aurait même pas diminué hein, ce qui appartient à Allah de la quantité d'eau qui sort lorsque tu trempes une aiguille dans l'océan et que tu la sors. Tu vois la goutte d'eau qui sort au bout de cette aiguille, hein, cette petite goutte-là à côté de l'océan, il dit ça n'aurait même pas fait diminuer ce qui appartient à Allah de cette goutte d'eau qui est sur l'aiguille lorsque tu la trempes dans l'océan. Subhanallah. Non, exactement. L'univers est tellement immense et donc toi tu vois que ça c'est la création d'Allah et malgré son immensité, ça c'est rien pour Allah, même pas comme un grain de sable hein, dans sa main. Et ça, c'est expliqué dans l'autre verset, justement, lorsqu'il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, le verset 67, dans Surat Az-Zumar, et ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Et la terre tout entière, il en fera une poignée au jour de la résurrection. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui, associe. Et donc, le verset en question, le cheikh, il explique, il dit « وَأَمَّا كَوْنُهُمَا عَظِيمَتَيْنِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. أي ما عظم هؤلاء المشركون حق تعظيمه, ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه, حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا ولا تنفع ولا تضر, وليس لها قوة ولا سمع ولا بصر, والأرض الجملة والأرض جملة حالية, أي والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة. والقبضة بالنسبة لنا هي ما يقبض عليه الإنسان, فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل الأرض على إصبع, والثرى على إصبع, والشجر على إصبع, إلى آخره. كل هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la description que le cheikh a mentionné à propos des deux mains d'Allah, qu'elles sont grandes, qu'elles sont immenses. Et ça, c'est tiré de ce que Allah a mentionné dans le verset 67, dans Surat Az-Zumar, lorsqu'il les décrit en disant « Et ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, et la terre tout entière, il en fera une poignée au jour de la résurrection, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Louange à lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. » C'est-à-dire que les mushrikoun, les idolâtres, ils n'ont pas respecté Allah comme il mérite d'être respecté. Du fait qu'ils lui ont donné ils lui ont attribué des égaux, qui ne lui équivalent en rien, et qui ne peuvent ni profiter, ni nuire, et qui n'ont aucune puissance, aucune force, qui n'ont pas d'ouïe, ni de vue. Et il dit donc, la terre tout entière, avec tout ce qu'elle contient comme montagne. Regarde, toi, tu vas aller par exemple à côté d'une montagne, tu es minuscule à côté de la montagne. Tu vas aller à côté des... On va pas parler de l'Everest ou de l'Himalaya ou des choses comme ça, les plus hautes montagnes sur Terre, même des plus petites montagnes qui sont... encore plus petite que ça, tu te mets à côté de cette montagne, tu fais même pas comme une fourmi à côté de cette montagne. Allah subhanahu wa ta'ala, avec toutes les montagnes et tous les rivières et les océans et tous les arbres et tout ce qui est sur la terre, il la prend, il la met dans sa main, il en fait une poignée au jour de la résurrection. Et al-qabda, par rapport à nous les êtres humains, c'est ce qu'on ferme dans notre main. Quand on ferme notre main, on fait un point. C'est ça, al-qabda. Donc ça dit, il va en faire une poignée au jour de la résurrection. Et toute la terre entière, il en fait une poignée. Et comme il est mentionné aussi dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim au sujet de ce verset-là justement, et c'est le dernier chapitre que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné dans Kitab al-Tawhid, c'est sur ce verset-là, il mentionne le hadith dans lequel il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre la terre sur un doigt, hein, et il va mettre les arbres sur un doigt. Et il va mettre toutes les différentes créations, chacun sur un de ses doigts. Hein? Puis il va en faire une poignée. Et ça indique quoi? Ça indique la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, وَزِدْ عَلَى هَذَا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ فَالسَّمَاوَاتُ عَلَى عِظَمِهَا وَسَعَتِهَا مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والتشبيه هنا للطي بالطي وليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب بل هي أعظم بكثير لكن لسهولتها على الله صارت كطي السجل للكتب لأن الناس كانوا في الزمن السابق إذا كتبوا كتابا فليس هناك ظروف يدخل فيها فإنهم يطوون هذا الكتاب ثم يضعون عليه الشمع ثم الختم على الشمع يبين الختم يبين الختم لأن الشمع ما دام حارا فهو لين فكانوا يترسلون بهذه الطريقة. فإذا قال donc on va traduire ça. Et il dit, et tu peux ajouter à ça le fait que Allah dit par la suite que les cieux seront pliés dans sa main droite. Et les cieux, avec leur immensité, hein, et leur grandeur, et comment tout ce qui est dans tout l'espace, hein, tout ce qu'on appelle l'espace, hein, le cosmos, comme certains l'appellent. Tout ça, c'est tellement vaste. Hein? Subhanallah. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il le plie dans sa main droite. Et il cite le verset 104 dans Surat Al-Anbiya, qui te donne une bonne image, hein, un bon exemple de cette façon dont Allah subhanahu wa ta'ala va plier les cieux dans sa main. Le verset 104 dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres ou d'une lettre, comme on plie comme on roule soit une lettre ou comme on roule un papier qu'on plie. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Donc, le cheikh, il explique. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cet exemple-là dans ce verset pour montrer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est facile de plier les cieux. Hein? Donc c'est pour montrer à quel point, comme on plie une lettre, il dit, comme on plie une lettre, Allah va plier les cieux avec autant de facilité que nous, on a de la facilité à plier une feuille de papier. Eh bien, Allah, pour lui, de plier les cieux, c'est aussi facile que ça pour lui. Et il la plie dans sa main droite. Et il dit que les gens dans le passé, quand ils écrivaient des lettres, ils n'avaient pas des enveloppes comme aujourd'hui. On écrit une lettre sur un papier, puis on met la lettre dans une enveloppe, puis on la scelle. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, on pliait la feuille de papier, et puis qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la cire et on brûlait la cire pour la faire fondre, et on mettait ça sur le pli de la feuille pour la coller, puis après avec un seau, hein, soit une bague ou un seau quelconque, on mettait ça sur la cire qui était encore chaude, et ça indiquait de qui venait cette lettre. C'est comme une empreinte, hein, avec, comme une étampe, et en même temps c'était pour faire en sorte que la lettre ne soit pas ouverte par quelqu'un d'autre que la personne à qui le message était à qui le message était envoyé. Donc le cheikh il dit, parce que la cire quand c'est chaud, eh bien c'est mou, donc on peut facilement mettre une étampe là-dessus. Et les gens, ils envoyaient des lettres de cette façon-là à l'époque. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit, فَإِذَا قَالَ لَنَا قَائِلٌ هَلْ لَنَا أَن نَسْأَلَ وَنَقُولَ أَيْدِ اللَّهِ يَمِينٌ وَشِمَالٌ أَمْ هِيَ يَمِينٌ فَالْجَوَابُ لَا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عنها لكن السنة جاءت بأن كلتا يديه يمين وجاءت ويأخذ الأرض بشماله فقال العلماء من أنكر كلمة الشمال وقال لا نقول إن لله شمالا بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين ومن الناس من أثبتها وقال إنها جاءت في صحيح مسلم والجمع بينها وبين قوله كلتا يديه يمين ممكن وسهل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليمين قال وكلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة وإنما قال كلتا يديه يمين لأن لا يظن الظان أن كون الأخرى شمالا يقتضي نقصها كما هو شأن المخلوق فالمخلوق يمينه أقوى وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك فقال كلتا يديه يمين فيبين أنه لا نقص فيها وإن كانت توصف بالشمال مثل قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع وجب المسير إليه ولا نقول هذه شاذة أو هذه غير صحيحة فإذا أمكن الجمع فاجمع والخلاصة أننا نثبت بأن لله شمالا وأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين أي من اليمن وهو البركة وأنه لما قال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة إنما ذكر ذلك لئلا يتوهم واهم أن الشمال ناقصة فقال كلتا يديه يمين. Donc le cheikh il parle maintenant d'un autre point par rapport aux mains d'Allah, c'est-à-dire la question, est-ce que on a le droit de demander à propos d'Allah, est-ce que il a une main droite et une main gauche, ou bien c'est une main droite seulement, hein, c'est-à-dire qu'il a deux mains droites comme c'est mentionné dans le hadith qu'on va mentionner justement. Le cheikh il répond à ce sujet-là et il dit non, les sahaba n'ont pas posé la question à propos de la main d'Allah, est-ce qu'il a une main gauche et une main droite ou non. Mais dans la sunna, il y a les deux narrations suivantes qui sont mentionnées. La première narration qui est rapportée par l'imam muslim, sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans laquelle il dit que Allah il a deux mains et les deux sont droites. Il dit c'est kilta yadayhi yamin. Ces deux mains sont des mains droites. Et dans notre narration, il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim selon Abi Huraira, que Allah va prendre la terre dans sa main gauche. Et il dit, les ulama, parmi les ulama, ceux d'entre eux qui ont refusé de dire la main gauche, hein, ils ont dit, on ne dit pas que Allah a une main gauche, mais plutôt on dit, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, que ses deux mains sont droites. Et parmi les ulama, il y en a qui l'ont affirmé et qui ont dit, la main gauche est mentionnée dans le hadith authentique de Sahih Muslim. Alors, on a le droit de, dans ce cas-là, on a le droit de l'affirmer. Et comment on fait, en fait, la réponse à cette question, c'est de réunir entre les deux hadiths ensemble, de les rassembler ensemble. Dans le sens que les ulama qui ont pris les deux hadiths, ils ont dit, on est capable de réunir ces deux hadiths-là de manière très facile et très simple. Puisque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné al-yamin, il a mentionné, il a dit, wa kilta yadayhi yamin. Et ses deux mains droites sont yamin. Et il dit que al-yamin, c'est dans le sens de al-yumn, qui veut dire en arabe al-baraka. Hein, ses deux mains sont bénies. C'est dans ce sens-là. Et il dit, quand il a dit, ses deux mains sont droites, c'est uniquement pour que quelqu'un ne pense pas que sa main gauche est inférieure par rapport à la droite, ou moins importante que la droite. Comme c'est le cas chez les créatures. Hein? Chez les êtres humains, on dit toujours la droite est meilleure que la gauche. Donc pour éviter que les gens s'imaginent ce genre de pensée-là, que la droite est moins importante que la gauche pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus important que la gauche, il a dit, et ses deux mains sont droites. C'est-à-dire, les deux mains sont importantes. D'accord? Et il dit, parce que chez les êtres humains, on utilise la droite, c'est, on l'utilise pour prendre et pour donner, hein, et des choses de ce genre. Il dit, فَقَالَ وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينَ. Donc, quand il dit ses deux mains sont droites, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas d'imperfection dans la main gauche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même si elle est décrite comme étant gauche, ça n'implique pas une imperfection ou quelque chose de moins. Et la preuve, il dit, مثل قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. Dans le verset 95, dans Surat An-Nisa, lorsqu'il dit, et à tous, il a fait la promesse de, hein, de qu'est-ce qui est bien. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. C'est-à-dire qu'il mentionne que parmi les croyants, ceux qui partent au combat, ils sont meilleurs que ceux qui restent derrière, hein, que ceux qui ne partent pas. Mais à la fin, il dit, وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. C'est-à-dire que ceux qui ne partent pas, ils sont quand même, hein, dans le bien. Et le cheikh, il dit donc que c'est dans ce sens-là. Et il dit, la règle chez les ulama, c'est que s'il est possible de réunir entre deux textes, lorsqu'il y a un semblant d'opposition ou un semblant de contradiction dans les sens, la règle des ulama, c'est que s'il est possible d'harmoniser les deux textes et de les accepter, de les prendre les deux et de les réunir correctement selon la bonne compréhension, alors dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut faire. Avant de penser à vouloir dire que le texte en question n'est pas authentique ou que c'est une narration singulière qui contredit celles qui sont plus authentiques ou des choses de ce genre, si on est capable de les réunir en harmonie l'une avec l'autre, sans rejeter l'un ou l'autre ou trouver une faiblesse dans l'un ou l'autre, alors dans ce cas-là, c'est ce qui a priorité, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, pour résumer, la question par rapport à la main gauche ou la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on affirme qu'Allah, il a une main gauche et qu'il a une main droite. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ses deux mains sont droites, c'est al-yamin dans le sens de la bénédiction. Et il dit, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ses deux mains sont droites, il a dit dans le hadith, اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. Dans le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai choisi la main droite de mon, j'ai choisi la droite de mon Seigneur et ses deux mains sont droites et bénies. Hein? Et il dit que il a mentionné uniquement le fait que ses deux mains sont droites pour éliminer l'idée de certains qui pourraient s'imaginer que la main gauche est moins importante ou qu'elle est, elle est inférieure à la main droite. Donc pour Allah, ce n'est pas le cas. Il dit « وَقَالَ قَائِلٌ وَهَلْ مِنْ أَدِلَّةِ إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ في سورة الذاريات فالجواب لا لأن أيد مصدر آد يئيد بمعنى قوية فهي مصدر وليس المراد به أيدي الله عز وجل لأنها لم تضف إلى الله فلم يقل والسماء بنيناها بأيدينا وما لم يضف إلى الله فلا تجوز إضافته إلى الله. Donc le cheikh il dit, est-ce que on peut utiliser comme preuve pour établir ou pour affirmer à Allah qu'il a deux mains, est-ce que on peut utiliser comme preuve à ce sujet-là le verset 47 dans sourate al-Dhariyat? Et le verset 47 dans sourate al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. Et le cheikh, il explique qu'on ne peut pas utiliser ce verset-là comme preuve pour affirmer les mains d'Allah, parce que le mot qui est mentionné dans le verset, بِأَيْدٍ, ça ne signifie pas les mains. C'est un verbe, c'est le masdar, hein, c'est le nom qui est tiré d'un verbe qui est أَدَيَئِدُ, qui veut dire qawiya, hein? Ça veut dire avec force, avec la force. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit wassama, et le ciel nous l'avons construit par notre puissance, c'est ça que ça veut dire wassama abanaynaha bi'aidin. Ici bi'aid, ça ne veut pas dire avec la main. Et le cheikh il dit, c'est, la preuve c'est que Allah il ne l'a pas attribué à sa personne. Il n'a pas dit bi aidina, il a dit bi aidin. Hein? Donc si Allah ne l'a pas affirmé, il l'a pas attribué à sa personne, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de l'attribuer à Allah. Il n'a pas dit wassama'a banaynaha bi aidina. Il n'a pas dit ça. Il a dit bi aidin. Bi aid, c'est le masdar de adaya idu. Adaya idu qui veut dire qawiya, c'est-à-dire avec la force et la puissance. Il dit وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ يعني الَّذِينَ هُمْ صِغَارٌ فِي الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ فَسَّرَ أَيْدٍ فِي قَوْلِهِ بِأَيْدٍ بِالْقُوَّةِ فَقَدْ حَرَّفَ وَالْجَوَابُ لَا لِأَنَّنَا نَسْأَلُ سُؤَالًا سَهْلًا هَلْ أَضَافَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ لَا إذن لا يجوز أن نضيفها إلى الله وهل له وجه بالعربية أن تكون بمعنى القوة الجواب نعم ففي اللغة العربية آد يئيد أيدا فهذا معنى الآية. Donc il dit, il y a certains parmi les gens, il dit c'est des gens qui sont encore petits dans la science, qui ont interprété le terme aidin, hein, aid dans le verset, bi aidin, par la force, et ils prétendent que le fait de l'interpréter pas, c'est pas qu'ils l'ont interprété, ils ont dit ceux qui interprètent le terme aidin dans ce verset, bi aidin, ça veut dire qu'ils ont déformé le sens, hein, pour dire que c'est la force, en voulant dire que eux ils pensent que le vrai sens c'était la main, puis qu'on l'a déformée pour dire la force à la place. Comme les gens de Ta'wil. Comme les gens de Ta'wil, eux ils disent non, Allah il n'a pas de main. Quand il dit la main, ça veut dire la force. Donc eux ils pensent que quand on parle de ce verset-là et qu'on dit que bi aidin, ça veut dire la force, eux ils disent ça c'est un Ta'wil aussi, c'est comme une déformation du sens. Comme s'ils critiquent ça, ils reprochent ça aux ulama de la sunna qui ont dit que ça voulait dire la force ici. C'est comme en voulant dire que ils blâment les ulama de la sunna de dire que ça veut pas dire la main, que ça veut dire la force. Alors qu'en réalité le verbe, le mot, le nom qui est appliqué ou qui est utilisé ici, il n'est même pas dans le sens de la main, c'est dans le sens de la force. Et donc, ils n'ont pas raison de reprocher ça ou de prétendre que ça c'est une forme de déformation ou falsification du sens, puisqu'il n'y a pas de falsification ici. La réponse à ça, le cheikh il dit, c'est de leur poser la question, est-ce que dans le verset « bi aidin », est-ce que Allah il affirme, quand il affirme « al-aid » ou bien quand il dit « al-aid », est-ce qu'il l'attribue à sa personne ou non? Et la réponse à ça, c'est que non, il ne l'affirme pas à sa personne. Il n'a pas dit « bi-aidillah » ou « bi-aidin »,« bi-aidi » ou bien « bi-aidina », non. Il dit « bi-aidin », il s'arrête comme ça. « Was-sama'a banaynaha bi-aidin ». Bon, « bi-aid », ça voudrait dire « et les cieux, hein, on l'a créé avec main ». Hein, avec main, avec nos mains par exemple, ou avec main. Il n'a pas affirmé, il n'a pas dit avec nos mains, il a dit avec main. Et ça c'est pas une phrase complète, hein. Et le cheikh il dit la raison de ça, c'est que en fait dans la langue arabe le terme aid ici, il vient du verbe ada ya'idu aidan, donc c'est le masdar de ada ya'idu, et il vient dans le sens, dans la langue arabe classique, de al-quwa, la force. Donc il n'y a aucune déformation, il n'y a aucune falsification ici, c'est le sens même de ce terme là donc si quelqu'un par exemple ne connaît pas bien la langue arabe et il voit ce terme là aid, hein, les gens de bid'ah vont dire ah mais regardez ici. Pourquoi? Vous voyez que Allah dit wassama'a banaynaha bi'aidin. Et ici vous dites que c'est la force. Donc pourquoi dans les autres versets vous dites pas que c'est la force aussi? On lui dit parce que ici ça veut pas dire la main. Ici ça veut, c'est le masdar de adayaidu. Donc on peut pas dire que, hein, c'est une falsification ou une déformation du sens. Ici ça veut dire la force parce que c'est le terme adayaidu qui vient de, hein, justement de la force, le verbe qui signifie la puissance et la force. Tandis que dans les autres versets, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Ici il y a un nisba à la fin qui c'est le pronom, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala dit devant mes mains, le pronom possessif, c'est-à-dire que j'ai créé de ma main, hein, de mes deux mains, biyadaya, avec mes deux mains je l'ai créé Adam, et je vous ai ordonné de vous prosterner. Les anges se sont prosternés mais lui il a refusé, Iblis. Alors il dit qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Il a dit mes deux mains. Tandis que dans l'autre verset bi'aidin, il l'a pas attribué à sa personne. Donc il n'y a pas de lien, hein, entre ça et l'attribut de la main. Donc c'est juste pour clarifier que le cheikh il mentionne ce point-là après. Il dit wa hal lillahi asabi'. Al jawabu na'am. Lillahi asabi'. Wa hal thubut al asabi'i lillahi min lazim thubut al yad lahu? Al jawabu la. Lakin al asabi' جاءت بأدلة أخرى منها قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن وفي الحديث فرح به المعطلة وقالوا هذا يدل على أن اليد غير اليد الحقيقية وأن الإصبع غير الإصبع الحقيقي. قلنا لماذا؟ قالوا لأن أصابع الرحمن عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بين إصبعين من أصابع الرحمن، ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله حقيقة. فتبين أن تأويلنا صحيح، وأن قوله بين إصبعين من أصابع الرحمن كناية عن القدرة والسلطة على بني آدم، فهي كقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا الكلام منهم ليس تحريفا، بل هو تحقيق لا شك. وعليكم السلام ورحمة الله. وشبهة قوية، لأنهم قالوا إن قلتم بالحقيقة فلا بد أن نشعر بأن هناك أصابع قابضة على القلب فيكون بين إصبعين. فنقول لهم لا تنظروا للنصوص بعين أعور، انظروا للنصوص من كل جانب. فهل يلزم من كون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن أن تلزم المماسة؟ والجواب لا يلزم ذلك، لا تلزم. ألم يقل الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ ومن المعلوم أن السحاب لا يمس السماء ولا الأرض. إذن البينة لا تستلزم البينية لا تستلزم المماسة. فإذا كانت لا تستلزم المماسة، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم المماسة. وبهذا نجمع بين الأدلة. Donc le cheikh il explique, il pose la question: est-ce que on peut dire que Allah a des doigts? Et il répond: oui, Allah a des doigts. Et il dit: est-ce que on affirme les doigts à Allah par rapport au fait qu'on a affirmé qu'il a une main? Il dit non, parce que les doigts d'Allah sont affirmés par d'autres preuves indépendantes de l'affirmation de la main. Et parmi les preuves à ce sujet-là, le verset dans Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, dans lequel il dit que les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts, parmi les doigts de tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Et donc il dit, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts. Et il dit, et ce hadith, les gens qui nient les attributs d'Allah, ils se sont réjouis quand ils l'ont entendu. Ils se réjouissent de ce hadith parce qu'ils disent, ça c'est la preuve que Allah n'a pas une main réelle et qu'il n'a pas des droits réels. Et quand on leur dit, mais pourquoi? Ils disent, parce que les doigts du Seigneur, les doigts du Seigneur, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à leur sujet que بين أصبعين من أصابع الرحمن، entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Il dit on peut pas ressentir en soi-même, en nous-mêmes, on peut pas ressentir que Allah a des doigts réels. c'est pas un argument en fait. C'est pas un argument, mais bon, ils ont mentionné ça. Ils disent on peut pas accepter en nous-mêmes que Allah il a des doigts réels. Donc ça prouve que notre interprétation, déformation, elle est correcte, parce que pour eux, quand ils disent que Allah il a des doigts et que le tout miséricordieux a des doigts, ils disent ça veut dire la puissance et le pouvoir qu'il a sur les fils d'Adam. Il dit c'est comme lorsqu'il dit et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, dans le verset 24 dans Sourate Al-Anfal. Donc eux, ils pensent que c'est dans un sens symbolique, et non pas réel, que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts de Ar-Rahman. Ils disent parce que c'est pas possible que les cœurs des hommes soient entre deux doigts d'Allah. Hein? Ils pensent que ça c'est pas possible. Et le cheikh il dit donc pour eux, il dit ça c'est pas une falsification, au contraire c'est la réalité pour eux. Et ça c'est leur faux argument qu'ils ont ramené pour essayer de justifier la négation de cet attribut d'Allah qu'il a des doigts. Et ils ont dit, si vous dites que ce sont des doigts réels, donc il faut absolument, dans ce cas-là, croire que les doigts sont fermés sur les cœurs des serviteurs. Hein? Entre deux de ces doigts. Donc le cheikh, il répond, il dit, non, regardez pas les textes de la révélation avec quelqu'un qui est borgne, hein, quelqu'un qui a juste un seul œil. Il dit, regardez les textes de tous les côtés. Est-ce que le fait d'affirmer que les cœurs des serviteurs soient entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, ça implique que ces deux doigts touchent à ces cœurs-là, hein, directement? Et la réponse de ça, c'est que non, ça implique pas ça du tout. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, par exemple, du fait que les nuages sont entre les cieux et la terre. Les nuages sont entre les cieux et la terre. Est-ce que le fait que les nuages soient entre les cieux et la terre, ça implique que les nuages touchent nécessairement au ciel ou à la terre? Pas nécessairement. Donc, le fait que quelque chose soit entre deux choses, ça n'implique pas qu'il doit y avoir nécessairement un contact direct. Hein? Donc, si on dit que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, ça n'implique pas nécessairement que les doigts touchent au cœur nécessairement ou qu'il y ait un contact entre les cœurs et les doigts d'Allah. Hein? Donc, ils nous font aller loin, ces gens-là. Hein? Ils nous font fatiguer pour rien avec leur philosophie là. Et le cheikh dit, et c'est ainsi qu'on réunit entre les textes. Il dit wa naqulu qulubuna bayna isba'ayn min asabi'i rabbina wa nas'alullaha an la yuzighaha walakin la yalzamu min hadha al-mumassa wa nu'minu bi annaha haqqun 'ala haqiqatiha. ولكن كما قلنا إن الله عز وجل بحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابها امتحانا من الله سبحانه وتعالى ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم ولهذا قال تعالى الراسخون في العلم في قوله تعالى منهم منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ثم قال الراسخون في العلم ولم يقل والعلماء إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى رسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص وفهم للمعنى والراسخون في العلم يقولون إنه لا تشابه ولا تناقض بل كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب قوله عينين. Ça c'est après. Donc le cheikh il explique que on doit donc réunir entre les textes lorsque il dit par exemple que nos cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts de notre Seigneur et on demande à Allah qu'il ne les fasse pas dévier nos cœurs. Il dit cela n'implique pas du tout qu'il y ait un contact avec les cœurs et entre les doigts d'Allah et les cœurs des serviteurs. Et nous croyons que les doigts d'Allah sont des doigts réels. Hein? Mais comme nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a fait descendre, il a révélé des textes, une révélation, et dans lesquels il y a des textes, et il a fait en sorte que dans ces textes-là, certains soient équivoques. C'est-à-dire, certains de ces textes-là ont plusieurs façons d'être interprétés ou qui peuvent être compris de différentes façons. Et ça, c'est une épreuve de la part d'Allah pour éprouver ceux dans les cœurs desquels il y a de la déviation. Tandis que ceux qui sont fermement enracinés dans la science et fermement ancrés dans la science, eux, ils acceptent ce que Allah a révélé, wa alaykum salam wa rahmatullah, et ils s'y soumettent, comme Allah il le mentionne dans le verset 162 dans Sourate An-Nisa, et le verset, plutôt c'est le verset 7 dans Sourate An-Nisa au début, Sourate Al-Imran. Je ne sais pas pourquoi les cheikhs ici ils ont marqué Sourate An-Nisa, parce que ce verset-là c'est dans Sourate Al-Imran, la première. Première page, c'est le verset 7. Et c'est un verset très important. Le verset 7 dans Sourate Al-Imran. Oui, donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il signifie. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets qui sont... il s'y trouve des versets qui sont... muhkamat, qui sont la base du livre. Muhkamat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas équivoques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être compris que d'une seule façon. Ok, hunna ummul kitab, c'est eux qui sont la base du Coran, la base du livre. Wa ukharu mutashabihat, tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques, ils peuvent avoir différentes façons d'être compris et différentes interprétations. En même temps, certains ulama, ils ont expliqué que certains versets peuvent être mutashabih pour certaines personnes et muhkamat pour d'autres, selon leur niveau de connaissance et leur niveau de compréhension de la religion. Il dit ensuite, les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers la déviation mettent l'accent sur les versets à équivoque. Les versets dans lesquels il y a des mutashabihat qui portent à diverses interprétations. Eux, ils se concentrent que sur ces versets-là, cherchant la dissension et cherchant à faire des problèmes, hein, et essayer de les déformer de leur sens. Hein. Alors que nul n'en connaît l'interprétation ou la conclusion à part Allah. Et ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Et ceux qui sont fermement enracinés dans la science, ils disent, nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Il dit le Cheikh, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mentionné dans ce verset les savants seulement, hein, pour indiquer que c'est la compréhension de ces versets-là et de ces textes-là nécessite d'être fermement ancré et enraciné dans la science. C'est pas seulement d'avoir du savoir, mais d'être vraiment fermement enraciné dans la science, dans le sens que quelqu'un, il a une compréhension globale des textes. Et il comprend le sens des textes. Donc ça, c'est ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Pour eux, ils disent, non, ça c'est pas équivoque. Il n'y a pas de contradiction entre ces textes-là. Hein, on peut facilement les harmoniser et les comprendre les uns ensemble avec les autres. Tout cela vient de notre Seigneur et il y a une harmonie entre ces textes-là, même si les gens qui ne sont pas enracinés dans la science ne voient pas, hein, le lien qu'il y a entre ces versets-là. Pour eux, ils voient parfois une contradiction ou une opposition entre ces versets-là, tandis que les gens qui sont fermement ancrés dans la science, eux, ils ne voient pas cette contradiction-là parce qu'ils les comprennent correctement. Ils ramènent qu'est-ce qui est mutashabih à qu'est-ce qui est muhkam pour le comprendre. Donc, qu'est-ce qui est mutashabih? Qu'est-ce qui a plusieurs façons d'être interprété? On le ramène à qu'est-ce qui est muhkam? Qu'est-ce qui est clair et qui ne peut être compris que d'une seule façon et le sens de ces versets-là se clarifie hein, par la suite. Et donc, وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ce ne sont que ceux qui sont doués d'intelligence qui comprennent ces versets-là. Donc, les ulama, ceux qui sont fermement ancrés et enracinés dans la science. Donc, ça, c'est ce qui vient conclure donc la question de l'affirmation des mains d'Allah, de la tribu des mains pour Allah subhanahu wa ta'ala et des doigts. Et la semaine prochaine, inshallah, on continuera la suite avec l'affirmation de la tribu des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait également partie de ses attributs. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.